Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir à tous et bienvenue à Terra Incognita, en compagnie de Bruno et Jean-François, en ce beau 4 avril 2015. Et comme d'habitude, on va avoir 2 heures de musique progressive et on va jaser un petit peu aussi des dernières actualités et de ce qui s'en vient côté musique. Et je pense qu'on va être bien servi parce que c'est le 11 avril. Qu'IQ sera dans nos murs. Et ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas vu IQ. Et ce sera sûrement un spectacle très intéressant. The Road of Bone, leur dernier album, est vraiment très bon. Et je pense que ça va être un rendez-vous des amateurs de musique progressive qui, malheureusement, fera un petit peu concurrence à l'émission. Mais l'émission est toujours disponible en podcast et je vous invite, si vous l'avez manqué, à la télécharger ou à l'écouter directement sur le site de CKRL. Et je vous parlais du festival Progressis qui a lieu à Soignies au mois d'avril prochain. Et en regardant la programmation, je voyais qu'il y avait un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelle The Gentle Storm. Et ça, c'est prévu pour le 26 avril, le dimanche 26 avril. Et je vous disais à ce moment-là, quand fouillais un petit peu dans le magazine, on voyait que c'est composé de Arjen Anthony Lucassen, le leader de Arion et de bien d'autres groupes aussi. Et de Anneke van Gisbergen, qui est la chanteuse, anciennement la chanteuse de Gathering, et qui a une voix angélique. Et bon, finalement, le disque est sorti et ça s'appelle The Diary. Et curieusement, ce disque-là est composé de 2 disques, mais c'est 2 fois le même disque. Et on connaît les 2 facettes d'Arjen Anthony Lucassen. Un côté assez progressif, folk progressif, je dirais, et un côté métal. Il a décidé de montrer ces 2 facettes-là sur le même album. Et le premier disque comprend toutes les pièces, mais enregistrées avec des arrangements folk. Et l'autre, on dit que c'est des arrangements métal. Mais moi, je dirais métal très symphonique, parce qu'en réalité, il y a du violon là-dedans, et c'est très pompeux. Donc moi, métal, je mettrais un gros bémol là-dessus. Mais on va s'en faire une idée, parce qu'on va entendre un extrait de chacun des 2 disques. Et dans ce premier bloc, on va entendre Shore of India, et on dit le gentle version, parce que c'est la partie douce. Et il y aura aussi, un petit peu plus tard dans ce même bloc, Heart of Amsterdam, et ça c'est la storm version. Donc, le côté tempête. Entre les deux, il y aura Il Castillo di Atlante, un extrait de Kalevala. Parce que Il Castillo di Atlante, ça sent bien ça aussi. On va voir ça à Québec au mois de mai prochain. Et il reste encore des billets, mais pour la soirée du samedi avec en vedette Annick Dotten, si vous aviez l'intention d'y aller, il ne faudrait pas trop tarder parce que je pense que Michel me disait qu'il restait une dizaine de billets. Donc ça se vend très très vite. Et on terminera ce bloc-là avec Gong, un extrait de Camembert électrique pour souligner le décès d'un grand, je pense un grand monsieur de la musique progressive et on peut dire aussi psychédélique. Donc, on débute avec The Gentle Storm et la Gentle version. Show me the way. Gelide terre del nord. pensieri ricorda il cantore, l'albero magico, il prodigio e la tempesta che in queste terre remote ti hanno portato. Abbandonare Calevara e seguire il falso compagno che ha invocato la furia del gelido vento del nord. Credo alla promessa della dama sventata. Brevi notti avevi cercato il magico capolavoro, dal gioco dei metalli e infine scaturito il tuo premio. Avevi sperato nell'amore la chiara fanciulla, avevi creduto di poter tornare nella dolce Calevala con la tua sposa, ma la delusione inghiottito la tua speranza. We'll be right back. sing a duet. I only wanna know if you really remember. You really you need me in a money banana. I see you in the Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince égographie, puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de l'interpellé pour emporter. Non. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Du 8 au 12 avril, le 28e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités de rencontres. Spectacles, expositions, impro-BD, animations et dessins en direct. Venez rencontrer près de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs. Découvrez toute la programmation au fbdfq.com. Le 28e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse Desjardins de Limoilou, Télé-Québec, La Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Et c'était Gong, en fait, pas la pièce au complet, You Can't Kill Me. J'ai choisi la pièce un peu en forme de clin d'œil parce que David Allen chantait dans les années 70 You Can't Kill Me, mais la mort l'a quand même rattrapé. Et ben, c'est le lot de tous les humains. Et juste avant, c'était de Gentle Storm, mais la version Tempête, si on veut. Art of Amsterdam, juste avant Il Castello di Atlante, qu'on aura le bonheur de voir pour une seconde fois en quelques années, là, à la convention Terra Incognita qui aura lieu au mois de mai. Et on avait débuté aussi avec Gentle Storm, mais le côté Gentle. Et on poursuit avec Solaris, que j'ai pris du temps à trouver. Mon Dieu que c'est mal distribué, le très bon groupe hongrois Solaris, avec les Chroniques martiennes numéro 2, plusieurs années plus tard, plus de 30 ans plus tard. Et bon, je pense que vous le connaissez quand même un peu parce que Marc en a déjà mis dans les dernières semaines. Mais moi, je pouvais pas résister et on va écouter la deuxième partie de cette suite de 22 minutes. Et ensuite, il y a Lonely Robot qui est le nouveau projet de John Mitchell qu'on connaît pour être le guitariste de Arena, qu'on a vu assez souvent à Québec. Il sera aussi au Festival Progressiste en Belgique. Et je parle d'Arena, pas Lonely Robot. Mais c'est un album concept qui est assez bien décrit dans le dernier Big Bang. Et d'ailleurs, Big Bang, ils font la chronique du dernier K-pop qui s'appelle Satig. Et à l'intérieur de ça, on parle de K-pop d'Acapo. et on dit qu'ils vont donner des spectacles. Il parle de crescendo, évidemment. Il parle des festivals qui sont, disons, en Europe. Mais malheureusement, il ne parle pas de la convention Terra Incognita. Mais il y a très peu de spectacles qui se donnent dans le monde. Et je pense qu'on est des privilégiés là, d'avoir les trois quarts du CAIPA original. Qui est, moi je pense, même si la réincarnation avec Hans Lundin est très très bonne, moi j'adore, j'ai tous ces disques-là. Et j'aime beaucoup écouter ça, le dernier en particulier qui reçoit des bonnes critiques justement dans Big Bang. Mais je pense que la première partie, le K-pop original, je pense que ça n'a jamais été égalé, surtout pas l'album éponyme. Et K-pop d'Acapo va faire des extraits de cette période-là. En fait, il se limite à ces trois disques-là. Il s'est adonné le projet d'enregistrer un nouveau disque qui devrait paraître avant sa venue, mais je ne pense pas que ça puisse se réaliser. Et finalement, le dernier, ce bloc-là va se terminer avec Simeon Soul Charger. Et si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur ce groupe-là, il y a une entrevue dans le dernier Terra Incognita qui est paru il y a environ deux semaines. Et on y parle entre autres de Ron Stoll et de RPWL. Et en plus des chroniques d'albums et de P.V. Perking, en fait, beaucoup d'informations encore une fois. Et c'est facilement disponible. Donc, on commence avec Solaris. Thank you. Yeah.

distance to my end, everywhere it was, and dancing in and out of time. We won't deny it, and we'll surely come to all what's narrow in the mind. The greatest guides were Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. Audiolite, l'hôtel Château Laurier, le Bal du Lézard ainsi que La Barberie. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Salon international du Livre de Québec, première ovation art littéraire invite les auteurs âgés de 18 à 35 ans à un 5 à 7 de réseautage le vendredi 10 avril. Lors de cette activité unique, vous aurez la chance de discuter avec 20 écrivains, artistes et artisans reconnus du milieu du livre québécois. Découvrez tous les détails à premièreovation.com. Seulement 20 places disponibles. Félicitations à CKRL qui a remporté le grand prix de la station de radio communautaire de l'année aux rencontres 2014 de la Disque. Merci à tous ceux et celles qui s'impliquent avec passion et générosité et qui contribuent à faire de CKRL une radio en harmonie avec sa communauté. Ça fait longtemps qu'on s'aime, ça fait longtemps qu'on niaise. Faudrait tout le temps qu'on plaise à leur barème. Eh bien oui, c'est une drôle d'annonce. Ben oui, CKRL qui continue de bien performer et... Je pense qu'on le doit aussi à notre public qui nous encourage à continuer. Et on a terminé ce bloc avec Simeon Soul Charger. Et je vous disais que dans le dernier numéro de Terra Incognita, il y a une entrevue, je commençais à lire ça. Et il est question qu'ils sont partis des États-Unis pour aller vivre en Bavière, ce qui est quand même un petit peu particulier. Et juste avant, c'était Lonely Robot, un projet intéressant de John Mitchell, et qui a pondu là, une trame intéressante. Là. C'est assez futuriste. Et la pièce qu'on a entendue est assez significative de ce qu'est cet album-là. Et on avait débuté avec Solaris. Et on poursuit avec Steven Wilson, avec son disque Anne Cannot Erase, qui lui est basé sur l'histoire d'une Anglaise qui vivait à Londres, qui est décédée, mais qui a été trouvée presque 3 ans plus tard. Et c'est une histoire qui a frappé un peu Steven Wilson. Et il a décidé de s'inspirer de ça pour écrire son nouveau disque. Et comme d'habitude, on retrouve des très bons collaborateurs avec lui, et il viendra nous présenter son nouveau spectacle au mois de juin. Ça se passe à l'Impérial, je pense, comme d'habitude. Et de ce disque-là, on va entendre « Three Year Older ». Et ce sera suivi d'un duo avec Gary Green et Tony Kay. Je ne peux pas dire exactement quand est-ce que ça a été enregistré. Ça fait partie d'une compilation qui s'appelle « Prog Box », qui est quand même assez récente. C'est marqué 2014. Et là-dessus, on retrouve toutes sortes de choses. Il y a des duos intéressants comme « Larry Fast » avec Steve Village. Il y a des choses assez vieilles, mais il y en a aussi des récentes. Et c'est parrainé par Billy Sherwood, donc c'est encore une autre là, un autre de ses projets où on retrouve, entre autres, Alan Parsons, Chris Quarra et Gary Green. Mais ce qu'on va entendre, c'est plutôt Gary Green et Tony Kay. J'ai écouté ça ce matin, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce bloc se terminera par Arcane Atlas, un groupe dont je connais pas grand-chose. J'ai pas eu le temps de faire des recherches là-dessus. C'est arrivé comme ça. C'est ma femme qui est arrivée avec ça. Il s'appelle Constellation Plus. Et c'est plutôt agréable. Je vais faire des petites recherches pour pouvoir en reparler plus longuement lors d'une autre émission. La pièce qu'on va entendre s'appelle Tessiliate.

Bonsoir, bienvenue à la barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit de lion, une pince graphique puis une tuque. Tressé ou à rabattoir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de l'été, j'appellerai pour emporter. Non, je reçois. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la barberie. À la barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Tout paraît calme. Tout paraît calme. Dur de se regarder sans couler sous le charme. Êtes-vous un fan de Claude Bégin? Ici Michael Bergeron, animateur de Stéréo Local. Courez la chance de remporter son nouvel album Les Magiciens en écoutant l'émission du 13 au 16 avril entre 15h30 et 17h30. Tu m'envoies des câbles par la tête. Au fond de toi se cache une vague. Fais attention à la fête. Tout paraît calme. Tout paraît calme. Dur de se regarder sans couler sous le charme. Êtes-vous un fan de Claude Bégin? Ici Michael Bergeron, animateur de Stéréo Local. Courez la chance de remporter son nouvel album Les Magiciens en écoutant l'émission du 13. Et nous sommes de retour après le groupe Arcane Atlas, comme je vous disais, un groupe dont on ne sait pas grand-chose. C'est un disque que j'ai eu, qui m'a été donné en fait. Et on retrouve un chanteur qui s'appelle Drew Brown. Qui rappelait quelque chose à Bruno, mais finalement on n'a pas trouvé qu'est-ce que ça pouvait être, probablement juste un hasard. Et la pièce, en fait le disque s'appelle Constellation Plus, et ben moi je trouve que c'est que ça sonne très très bien. Et disons que ça me fait un très bon rapport qualité-prix. Juste avant, c'était Gary Green et Tony Kay. Ça vient d'une compilation quadruple, 4 disques vendus vraiment pas cher. Ça s'appelle le Prog Box et on retrouve toutes sortes de choses, autant des trucs modernes que des choses assez vieilles, comme une vieille pièce de Yes qui se retrouve là. Donc le son varie aussi. Là. Sur les vieilles, le son est un peu ordinaire, mais on retrouve aussi la version remixée là, de... par Steven Wilson d'une pièce de Hawkwind. Il y a plusieurs pièces aussi où on retrouve Nick Turner et c'est aussi plein de collaborations. Et on avait débuté avec Steven Wilson et qui est toujours très bon et ce disque Anne Cannot Erase vient juste asseoir la réputation de Steven Wilson. Et pour en revenir à Steven Wilson, donc le groupe Porcupine Tree, si on se fie aux entrevues qu'il a données dernièrement, ben je pense qu'on n'est pas prêt de les revoir parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, il parle de Porcupine Tree comme d'une une démocratie. J'hésite à dire le mot, là. Mais selon lui, il faut faire des compromis tout le temps, puis ça, il ne se sent pas prêt à faire ça. Donc, le groupe demeure inactif. Et bon, mais c'est tant pis pour ceux qui attendent après ça. Et toujours en entrevue avec Steven Wilson, lui, il parle du concept de l'album. Lui, il trouve ça aberrant qu'on puisse télécharger des pièces séparées. Pour lui, un album, ça a une vie. Et honnêtement, je suis totalement d'accord avec lui. J'ai toujours été un gars d'album. Et s'il y a un ordre, c'est pas pour rien. Et on manque quelque chose quand on brise cet ordre-là. Et on va poursuivre avec Sylvan, un groupe allemand qui a une carrière peut-être un petit peu en dents de scie. Il y a eu Posthumous Silence il y a quand même déjà plusieurs années, 8-9 ans, qui était vraiment très très bon. Par la suite, les disques étaient peut-être un petit peu moins, mais si on se fie à la carrière de Sylvan, d'après ce qu'on voit dans les commentaires, ben Home, le dernier album, ce serait vraiment un autre sommet là, qui égalerait Posthumous Silence. Moi, je ne l'ai pas écouté assez longtemps, ce disque-là, pour dire si c'est vraiment le cas. Mais on va en entendre un bon extrait là, qui est de 9 minutes, qui s'appelle « The Sound of Her World ». Et ce sera suivi de Henry Fool et la pièce Light Show, Live Late Show, pardon. Et Henry Fool, c'est cinq totalement nouveaux. Eh bien, ça l'est quand même un peu. Parce que c'est un disque éponyme qui serait en fait leur premier, qui est sortis soit avant qu'on les connaisse ou qu'ils n'étaient pas sortis du tout, ou qui est sorti de façon très confidentielle. Mais là, il reparaît avec une nouvelle pochette, c'est K-Scope. Et c'est, moi, je trouve ça vraiment très bon. J'adore ce groupe-là, qui est peut-être pas ce qu'il y a de plus accessible. Là. Il y a un petit côté jazzé, un petit côté psychédélique. Et il y a le chanteur de No Man, Tim Bowness, qui agit un peu comme un leader là, dans ce groupe-là. Et on entendra aussi The Fusion Syndicate. C'est un autre projet de Billy Sherwood avec plein de monde. Et on va entendre la pièce Random Act of Science. Infiltrated by fears, and the sound of the world. I'm not afraid to Random Act of Science du projet de Fusion Syndicate, d'un autre projet de Billy Sherwood. Et sur cette pièce-là, on retrouve Rick Wakeman au clavier, Jerry Goodman au violon, Nick Turner au sax et Jimmy Asleep à la basse. Et ben, c'est déjà presque tout en ce qui nous concerne. On avait Henry Fool dans une courte pièce de 3 minutes qui vient d'un album éponyme. Et on avait débuté avec Sylvan. Et on va poursuivre avec Soft Machine. En fait, on va juste commencer la pièce qui s'appelle Hazard Profile. Et c'est le Soft Machine de 1974 avec les musiciens Alan Oswalt, le très bon Alan Oswalt qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années au Palais Montcalm, Carl Jenkins, Mike Rutledge, Roy Babington et John Marshall. Et c'était enregistré au Festival de Montreux en Suisse en 1974. Et sur ce disque-là, qui est paru sur Cuneiform, il y a un DVD qui contient la même chose. Et l'image est quand même très très bonne là, pour l'époque. Donc, c'est tout pour nous après Soft Machine, bien sûr. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Vincent Delisle et Jacques Dulac et pour quelques heures là, de bonne musique. Et en ce qui nous concerne, Bruno et Jean-François, vous disent bonne semaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie.